Je ne sais plus pour qui voter. Tous les candidats sont des pieds. Regardez-les parader. Ah, comme ils sont bien habillés. De la misère, ils vont nous libérer. Ils n'oublieront pas de s'amuser. Ils veulent tous aider les gens mal pris, mais sans déroger à la ligne du parti. Paré d'un foulard et d'une rose, s'avance vers moi la gauche. Paix et bonheur pour toute l'humanité, mais dans les limites du budget réalité. Nous allons répartir la richesse, nous allons soulager votre détresse. Chacun et chacune nous voulons aider, mais tout en respectant le cadre financier. D'un bâton et d'une cravate, on sonne à ma porte, c'est la droite. Nous rétablirons le bon ordre. Les délinquants, nous allons mordre. Nous ramènerons la prospérité avec discipline et fermeté. Mais ne vous inquiétez pas, nous resterons sages. Faut quand même pas trop baisser dans les sondages. C'est mon X, hein.